qu'on se dit, c'est si tu veux mitiger le vieillissement, faut que tu accueilles du monde, mais il faut quand même que tu gardes ce que tu avais. Sinon, c'est imbécile de faire couler le bain si tu n'as pas mis de bouchon. Et là, ce que je m'aperçois dans les stats, c'est que ça m'a frappé. Dans le dernier 50 ans, t'en as accueilli 1 million, mais il y en a 681 560 qui sont partis vers d'autres provinces. Au net. Répète ça, là, moi je prends ça en note. T'as 681 560 personnes qui sont parties quand t'en avais accueilli 1 million. Au net. Ça t'en fait pas. Ça, c'est beaucoup. En quelle année? Dans le dernier 50 ans. Oui. Puis, juste en 2013, la moitié de ceux qui partaient, c'était 12 000 nets dont on avait parlé. Ouais. C'était un bon à cause du PQ. Mais c'est la moitié de ces gens-là ont moins de 35 ans. Alors, ça sert à rien de te donner les pouvoirs en termes de je veux choisir mon immigrant. Mais t'as tellement monté un système fiscal qui fait fuir le Québécois d'ici, celui que t'as instruit ici, celui dont la famille est ici, elle voudrait le garder. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens d'aller chercher du monde ailleurs pour en perdre autant qui sont déjà de chez vous. Et c'est pour ça qu'il faut réduire les écarts. Parce que même ceux qui arrivent dans le dernier 10 ans, le 2/3 des gens d'affaires qu'on a été chercher ailleurs sont repartis en dedans de 3 ans. C'est 75% des investisseurs qu'on avait fait venir d'ailleurs qui sont repartis en dedans de 3 ans. Quand tu dis investisseurs, ils ne restent pas. Qui sont on va chercher un immigrant avec de l'argent. OK, c'est bon, un Chinois, ouais. Quelqu'un... Quand tu choisis en fonction de ça, si tu dis, comme le péquiste qui disait, moi, je veux pouvoir tracer les grands contours de l'immigration, je vais aller chercher des francophones. Parce que c'est ça qui compte pour moi. Fait que là, tu vas chercher des fois un maghrébin qui a pas trop de diplôme, mais qui parle français. Mais de temps en temps, t'en pognes un qui est capable d'investir, qui a de l'argent. C'est comme Robert Gagné t'en avait parlé quand il disait qu'il y avait de la misère à recruter des bons profs d'université. C'est lui qui recrute au HEC. Il dit, on les fait venir, puis on lui dit pas ce que ça va lui coûter en impôts. Ils s'installent, ils s'en aperçoivent, puis des fois, on est chanceux, ils restent. C'est incroyable. Quand tu dis pas tout pas à l'immigrant, il fait un ça, saut là. De puce puis il repart. Sauf si les autres n'en veulent pas ou s'il n'est pas employable. Alors, réduire la grande stratégie des libéraux, c'est de réduire les écarts négatifs qu'on a avec les autres provinces en ce qui concerne nos taux d'imposition, l'organisation du travail et autres, pour pouvoir garder ceux qui viennent au monde ici, qui s'instruisent ici et qui pourraient nous aider drôlement. S'ils ne partaient pas, parce que t'es découragé, t'as tout fait pour qu'ils n'entreprennent pas. Alors, aller chercher du monde ailleurs pour rajeunir ta population, c'est inutile si tu ne retiens pas les tiens en premier lieu. Est-ce d'autant que les libéraux que ont pensé à ça? Est-ce qu'ils l'ont exprimé? Moi, j'ai pas vu ça, je l'ai pas lu dans la plateforme. Ben,